Thank you. What's the fate on our other day? I don't want to stay. Tu vois, Giorgio, c'est pas mal tes petits accords. Là. I can still go to other day. I never see Mesdames et messieurs, à la guitare, Giorgio! When I sit at time. Je t'entends pas trop, Def 74. Maintenant, Giorgio, il faut que tu te cales bien sur la batterie. Quitte à faire moins de notes, mais essayez de bien les caler. Je sais, mais j'ai vu la mort de trop près. Alors ouais, je prends mon temps, je sais. Ça te fait peur, ça t'effraie. Les gauches, les droites. Ça te fait peur, ça t'effraie. Hyper tranquille dans la super grande ville. Les bombes, les blasts, hyper tactiles sur les plages de textile. Ça t'énerve, ça te met à cran de prendre un peu l'air dedans. Alors ouais, je prends mon temps. Je prends mon temps. Je sens le vent, il est frais. À part l'amour, ça irait. Alors ouais, je prends mon temps. Relax, pieds nus. Punta del Este, l'été dernier. L'été comme l'hiver. T'étais à moi tout entière. Alors ouais, je prends mon temps. Je prends mon temps. Je prends mon temps, tout le temps. Hyper tranquille dans la super grande ville. Hyper tranquille dans la super grande ville. Tu prends mon temps. Hyper tranquille. Hyper tranquille. Allez ouais. Mesdames et messieurs, monsieur George à la guitare. Et nous avons aussi monsieur F74. C'est quoi que tu joues toi? C'est une guitare ça, c'est ça avec un effet. C'est une guitare avec un effet, exact. Ce serait pas mal si vous arrivez à jouer chacun votre tour. Parce que c'est dommage, on vous entend pas. Ce serait bien chacun votre tour, non? Parce que Def, j'arrive pas à attendre. Vas-y, Def! On va écouter Def. Def les pas. Def 74. 74, c'est la montagne ça? Le ski ou le VTT? Alors ouais, je prends mon temps, je sais, mais j'ai vu la mort de trop près. Alors ouais, je prends mon temps, je sais, ça te fait peur, ça t'effraie. On a quand même un super batteur, hein. P.I.W. Très bon, monsieur P.I.W. Hyper tranquille dans la super grande ville. Les bombes, les blasts, hyper tactiles sur les plages de textile. Alors ouais, je prends mon temps, je prends mon temps tout le temps. Je sens le vent, il est frais, à part l'amour. Ça irait. Hyper tranquille. Thank you.